Le sein qui s'agenouille au milieu des badauds, la bouche qui se grouille d'alvidé illico. Le sourire en photo tout nu sur le sofa, et puis les premiers mots dont on ne se souvient pas. C'est la vie qui commence, c'est la vie qui commence. Le crayon qui s'anime pour écrire des pensées, le prof qui fait de la frime en pensant à l'été. Le banc qui mène au large les premières illusions, le zéro dans la marge pour la bonne tradition. C'est la vie qui se déroule, c'est la vie qui se déroule. Le ruban qu'on dénoue, les cheveux qui se délassent, et la photo qu'on cloue sur les murs de la classe. Le baiser sous les nuages à faire danser la ville, l'amour qui déménage et part d'un pas tranquille. C'est la vie qui s'enroule, c'est la vie qui s'enroule. Le premier lit qu'on traîne derrière soi toute sa vie, et les autres qu'on enchaîne aux galères de l'ennui. Ce qu'on y a trouvé et ce qu'on y a perdu, une vertu qu'a lâchée et l'autre qu'a rien vu. C'est la vie qui s'enlace, c'est la vie qui s'enlace. Les premiers pas des gosses qu'on suivra jusqu'au bout, si le temps qui nous désosse nous garde les yeux debout. La femme qu'on a comme ça, puisqu'il en faut bien une, et la maîtresse qu'on noie toutes les nuits sous la lune. C'est la vie qui s'efface, c'est la vie qui s'efface. La lampe qu'on trimballe à la dernière veillée, comme une carte postale qu'on n'ose pas envoyer. La peau qui se fait toute blanche et les fleurs qu'on écoute frapper aux quatre planches sur le bord de la route. C'est la vie qui s'achève, c'est la vie qui s'achève.